Da Omae, oh Omae, oh Balastique, Balastique, Choco Pro, Choco Pro, Bref. Gangsta, c'est ma gangsta. T'as toi des samouraïs, on veut franchir les états. On va gravir les échelons, on va gravir les montagnes. Ça va la famille, ma compagne, ça va. Sans même malgré que le chemin est long, on veut franchir les états. On va gravir les échelons, on va gravir les montagnes. Juste une montagne à gravir dans les annales, mon sang gravé. Ajoute ma pierre à l'édifice, jette mes phrases comme du gravier. Certains atteignent la cible, la situation s'est aggravée. Comprendre la teneur de ces mots pour en saisir la gravité. Avant de pourrir et de mourir dans la tombe, je me dois de sourire. Courir derrière la maille afin que les miens puissent se nourrir. Entendre le signal sonner, là je m'installe en passionné. Avec mes sauces, est-ce le film que nous sommes tous sans pitié? Escalade de la violence, des paramines, mon mousqueton. Les bleus veulent cogner sec, mais la plupart sont des loups. Je me dois de les descendre avant de descendre en rappel. Par la face nord, c'est Dark Horse du côté de Montfermeil. On veut franchir les états.